إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروه أن بلغكم هذا الشهر الكريم المبارك شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام فإن من أدركه فصامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفيه ليلة هي خير من ألف شهر فاشكروا نعمة الله عليكم بإدراككم له وبالاجتهاد في العمل الصالح واجتناب المعاصي والقبائح عباد الله إن التفقه في أحكام الصيام مما يعين المسلم على أداء صومه على الوجه المشروع فتفقهوا في صيامكم حتى لا تقعوا فيما يفسده أو فيما ينقص أجره ومثوبته أو فيما يورثكم الشك والاضطراب والحيرة ولا تمنعوا أنفسكم شيئا أباحه الله لكم أو تقعوا في شيء حرمه الله عليكم أو كرهه لكم وأحكام الصيام كثيرة لكن سأعرض في هذا المقام بعضا منها من باب التذكير أولا صوم رمضان واجب بل هو ركن من أركان الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها الصيام فمن جحد وجوبه فهو كافر ومن لم يصم تهاونا وتكاسلا مع اعتقاد وجوبه فهو مرتكب لإثم كبير وهو على خطر عظيم والعياذ بالله ثانيا أن الشهر يدخل بأحد أمرين برؤية هلال رمضان فإن لم يرى فبإكمال عدة شعبان 30 للأحاديث الصحيحة وهذا من محاسن الشريعة وتيسيرها ولله الحمد والمنة ثالثا على المسلم أن يبيت النية من الليل فلا يطلع عليه الفجر إلا وهو ناوي الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم من تسحر أو حدث نفسه من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له رواه النسائي ومن تسحر أو حدث نفسه أنه يصوم غدا فهذه نية صحيحة والحمد لله والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة رابعا لا يحل لمسلم مكلف أن يفطر في رمضان في نهار رمضان إلا من عذر شرعي ومن الأعذار المرض الذي يضر معه الصيام أو السفر الذي يبيح القصر والفطر فهؤلاء لهم الفطر ثم يقضون بعد ذلك لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خامسا الحائض والنفساء لا يصح منهما الصوم بل يفطران تفطران وتقضيان بعد ذلك. ومن رأت دم الحيض أو النفاس ولو قبيل غروب الشمس بقليل فإنها تقضي ذلك اليوم. سادسا من كان لا يستطيع الصوم لكبر أو لمرض مزمن مستمر ولا يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع له أن يخرجه دفعة واحدة لمسكين واحد وله أن يفرقه على عدد من المساكين وله أن يجمع المساكين ويطعمهم طعاما يشبعهم. سابعا للمريض بالسكر أن يستعمل الإبرة التي تضرب تحت الجلد أثناء الصيام ولا حرج عليه كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء، وإن استطاع تأخيرها إلى الليل فهو أحوط. والمصاب بالربو وضيق التنفس إن كان دواؤه غازا يستنشقه فله استعماله إذا احتاج إليه أثناء الصيام ولا قضاء عليه، وإن كان الدواء حبوبا أو شرابا فلا يجوز له استعماله أثناء الصوم إلا إذا كان مضطرا إليه فيشربه ويقضي يوما مكانه. ثامنا حكم الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو ولديهما يفطران فلا يلزمهما قضاء، وإنما يشرع في حقهما الفدية بإطعام مسكين مكان كل يوم، وهو أرجح المذاهب. وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. وعنه أيضا أنه رأى أم ولد له حاملا أو مردعا فقال: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأته سألته وهي حبلى فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. ولأن قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجة وإجماع عند جماهير العلماء. تاسعا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في إطعام المساكين طريقتان: الأولى يعطى المسكين من القوت الذي يكال بالصاع كالشعير والبر والذرة والعدس والأرز وأشبه ذلك. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة نصف صاع من حنطة فيفطر ويطعم عن كل يوم نصف صاع، ومقدار ما يعطى المسكين هو نصف صاع من جميع ما ذكر وأشباهه ما عدا البر. فمن الصحابة من قال يخرج نصف الصاع، ومنهم من قال ربعه، ونصف الصاع يقرب من الكيلو ونصف تقريبا. والطريقة الثانية في إخراج الطعام أن يعطى المساكين طعاما مطبوخا يشبعهم. وقد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عن صوم شهر رمضان. وكبر عنه فأمر بمساكين فأطعموا خبزا ولحما حتى أشبعوا ولا يجوز أن يعطى المساكين نقودا بل يجب أن يعطوا طعاما وهذا ما وهذا دلت هذا وعلى هذا دلت النصوص نصوص القرآن والسنة وفتاوى وأفعال الصحابة والعلماء رحمهم الله متفقون على أن من أخرج طعاما فقد برئت ذمته أما من أخرج نقودا فلا تجزئه ولم تبرأ ذمته عند أكثرهم عباد الله واجتهدوا في هذا الشهر في نوافل الطاعات من قراءة قرآن وذكر وصدقة وغيرها من أبواب البر وخصاله التي يفتح الله لكم أبوابها ويهيئ لكم أسبابها فقد كنتم تتمنون بلوغ الشهر فحقق الله مناكم وبلغكم الشهر فبادروا إلى ما كنتم تتمنون إدراكه لأجله من الجد والاجتهاد في الطاعات والأعمال الصالحات عباد الله احذروا في هذا الشهر ما يفسد صومكم أو ينقص أجره وثوابه أما ما يفسد الصوم فهي المفترات المعروفة ومنها تعمد الأكل أو الشرب في نهار رمضان ولو قبل الغروب بلحظة ومن المفسدات الجماع وهو أشدها فمن جامع في نهار رمضان وهو يجب عليه الصوم فعليه التوبة والقضاء والكفارة والكفارة هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فبإطعام 60 مسكينا ومنها من المفترات الاستمناء وهو تعمد إخراج المني ومن فعله فعليه التوبة والقضاء وليس عليه كفارة أما من احتلم في نومه أثناء صومه فصومه صحيح ومن المفترات تعمد إخراج القيء أما إن خرج رغما عنه فصومه صحيح وأما الأمور التي تنقص أجر الصيام فهي المعاصي عموما كترك صلاة الجماعة بغير عذر والغيبة والنميمة والنظر إلى الصور المحرمة والاستماع إلى الأصوات المحرمة فحافظوا على صلاتكم واحفظوا ألسنتكم إلا من الخير واجتنبوا النظر في المسلسلات والاستماع إلى الأغاني في أيام الصوم ولياليه فإنها مجمع لكثير من المخالفات الشرعية فالصيام لم يشرع لترك الطعام والشراب فقط وإنما شرع لترك المفترات وترك المحرمات عموما كما قال تعالى في بيان حكمة الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وقال صلى الله عليه وسلم إن الصيام ليس من الأكل والشرب فقط وإنما الصيام من اللغو والرفث رواه ابن حبان في صحيح جعلني الله وإياكم من المتقين في هذا الشهر الكريم ومن المقبولين برحمته وجوده وهو أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد serviteur d'Allah, craignez Allah et soyez reconnaissant que Allah subhanahu wa ta'ala vous ait fait atteindre ce mois béni et vous a permis d'atteindre ce mois de jeûne, ce mois de prière, ce mois de la récitation du Coran, ce mois pour nourrir les gens qui ont faim. Celui qui atteint ce mois et qui le jeûne avec foi et en espérant la récompense d'Allah, Allah lui pardonnera tout ce qu'il a fait comme péché précédent. Et celui qui prie la nuit avec foi et en espérant la récompense d'Allah, Allah lui pardonnera tout ce qu'il a fait comme péché précédent. Et il y a dans ce mois une nuit qui est mieux que 1000 mois, la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Soyez donc reconnaissants envers la grâce d'Allah sur vous, du fait qu'il vous ait permis d'atteindre cette période de l'année qui est bénie, ce mois du Ramadan. Et soyez reconnaissants envers lui en faisant des efforts pour faire des bonnes œuvres et pour faire le bien. Et également en vous écartant des interdits et de la désobéissance et des choses qui sont détestables et laides. Serviteur d'Allah, il est important pour le musulman d'acquérir la compréhension et la connaissance des règles de sa religion et en particulier de l'adoration qu'il est sur le point d'accomplir, et en particulier ici les règles qui concernent le mois du Ramadan, pour être capable de faire son jeûne de la manière qui a été légiférée. Et donc d'étudier et d'apprendre les règles du jeûne, c'est quelque chose de fondamental que chaque musulman doit faire pour être certain qu'il ne va pas tomber dans quelque chose qui va annuler son jeûne ou bien qui va faire diminuer sa valeur et sa récompense, ou bien qui va vous faire tomber quelque chose qui risque de vous faire tomber dans la confusion ou dans le doute. Et c'est pour cette raison qu'il est important de bien étudier ces règles et bien les connaître. Ou bien également, parmi les raisons qui sont importantes, qui nous montrent l'importance d'apprendre et d'étudier les règles du jeûne, c'est pour ne pas s'empêcher quelque chose qui est permis et pour ne pas tomber dans quelque chose que Allah nous a interdit ou quelque chose qu'il a détesté pour nous. Et bien entendu, on ne peut pas élaborer dans les détails et dans les règles du jeûne du Ramadan dans la khutba, mais on peut mentionner les plus importantes et mentionner les points les plus importants de façon résumée. Premièrement, il faut savoir que le jeûne du Ramadan est une obligation dans l'islam et c'est même un des piliers parmi les piliers de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le hadith lorsqu'il mentionne que l'islam est bâti sur 5 piliers, et il a mentionné un d'entre ces piliers, le jeûne. Donc celui qui nie l'obligation du jeûne du Ramadan, eh bien en réalité il a renié la foi, il est devenu kafir en reniant cette obligation là toutefois, si il ne la nie pas cette obligation, mais qu'il néglige ou qu'il fait preuve de paresse tout en croyant que c'est obligatoire, eh bien dans ce cas là il commet un grand péché. Mais on ne va pas dire de cette personne qu'il a renié la foi. Et la deuxième règle, parmi les règles du mois du Ramadan, c'est qu'on établit l'entrée du jeûne ou du mois de jeûne par deux choses seulement, et pas d'autres. Soit la vue du croissant. Donc si on voit le croissant, on commence à jeûner. Ou bien, si on ne le voit pas, eh bien on complète le mois de Sha'ban 30. Ça, c'est les deux façons par lesquelles le jeûne du Ramadan est établi. Il n'est pas permis de se baser sur les calculs astronomiques ou sur les calculs des mathématiciens qui font des calculs pour déterminer à l'avance quand est-ce que va venir le Hilal ou quand est-ce que le mois va terminer. Parce que ce n'est pas un moyen légal selon la charia pour déterminer le début ou la fin du mois. La vue du hilal, c'est une ibada, c'est une adoration de le chercher au début et à la fin du mois. Et c'est la seule façon par laquelle on peut commencer le jeûne. Si on le voit, on commence le jeûne. Sinon, la deuxième façon, on complète le mois de Sha'ban 30 jours. Et à la fin du mois, on complète le mois de Ramadan 30 jours, si on ne voit pas le hilal, s'il y a des nuages ou bien des choses de ce genre. Et ça, c'est pour montrer la facilité. La facilité, hein, de l'islam et des règles de la religion. On n'a pas besoin d'être un docteur en mathématiques pour savoir quand est-ce qu'on doit commencer notre adoration. Allah, il a rendu le moyen facile et accessible à tous les musulmans, peu importe qu'ils soient des bédouins au milieu du désert ou bien des gens en plein milieu de la ville. Les moyens sont faciles et accessibles. Troisièmement, parmi les règles, c'est que lorsque le mois commence, il est important d'avoir l'intention de commencer le jeûne avant l'aube. Il faut avoir cette intention-là avant l'aube. Et donc, si on commence par exemple la journée sans avoir eu l'intention auparavant, eh bien, dans ce cas-là, c'est comme si ce jeûne-là ne sera pas valable pour cette journée. Il faut vraiment avoir l'intention de faire cette journée avant l'aube. Et l'intention, c'est dans le cœur. Donc, on n'a pas besoin de la prononcer à haute voix. Il suffit de se dire en soi-même que demain, on va jeûner et ça suffit. Quatrième règle, c'est que la personne qui est musulmane et qui a toute sa raison et qui a atteint la puberté, il est obligatoire pour lui de jeûner. Il n'a pas le droit de manger ou de boire ou de faire les choses qui annulent ou qui rompent le jeûne du Ramadan pendant la journée, excepté s'il a une excuse légale en islam. Et parmi les excuses, le fait d'être malade. La personne qui a une maladie qui fait en sorte que le jeûne devient pour lui nuisible ou difficile. Alors dans ce cas-là, il a le droit de ne pas jeûner pendant la journée. Et il doit reprendre les jours manqués après le Ramadan. De même que la personne qui est en voyage et qui voyage, elle est excusée de ne pas jeûner. Elle a le droit de rompre son jeûne pendant son voyage et elle reprend les jours qu'elle a manqués après le mois de Ramadan. Donc ça, c'est des excuses qui sont légales et qui sont mentionnées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quiconque parmi vous est malade ou en voyage, alors qu'il reprenne d'autres jours par la suite. Parmi les règles du Ramadan, la cinquième, c'est la femme qui a ses règles ou qui a les écoulements après l'accouchement, elle ne peut pas jeûner. C'est interdit pour elle de jeûner dans cette situation-là et elle doit donc rompre son jeûne et reprendre les jours après le Ramadan. Et si la femme a ses règles pendant la journée du Ramadan, alors cette journée-là, elle devra la reprendre, même s'il ne restait que quelques instants avant le coucher de soleil. Sixièmement, la personne qui est âgée ou qui a une maladie qui n'est pas guérissable, une maladie qui est permanente, et que la personne, elle ne peut pas jeûner, soit parce qu'elle est trop âgée ou parce qu'elle est malade, alors dans ce cas, elle a le droit de rompre son jeûne, de ne pas jeûner, et elle va nourrir un pauvre pour chaque journée qu'elle a manqué. Elle va nourrir un pauvre pour chaque journée qu'elle a manqué, et la quantité qu'elle doit donner, c'est la moitié d'une sa'. La moitié d'une sa', c'est équivalent, comme les ulama l'ont mentionné, à 4 mouds. Et une moud, c'est les mains lorsqu'elles sont collées ensemble, hein, les deux mains ou la grandeur, le volume qui correspond à deux mains lorsqu'elles sont réunies ensemble, tout ce qui rentre à l'intérieur de deux mains, ça en arabe on l'appelle une moud. Et 4 moud, ça équivaut à une sa'. Donc la moitié d'une sa', c'est le contenu de deux mains collées ensemble. Deux moud. C'est ça la moitié d'une sa'. Et c'est un volume Donc, selon la nourriture qu'on va donner à peu près, c'est la quantité qu'on doit donner pour chaque pauvre qu'on va nourrir pendant ce mois-là. Et également, pour la personne qui, par exemple, est atteinte du diabète, qui doit se donner des injections d'insuline. Hein? Donc, il n'y a pas de problème pour elle de s'injecter l'insuline. Et ça, c'est selon la fatwa des ulama de l'Ajnat al-Da'ima. Ils ont dit que si elle se donne cette injection d'insuline pendant qu'elle jeûne, ça ne rompt pas son jeûne. Mais si elle peut attendre à la nuit pour le faire, c'est préférable. La personne qui est prise d'asthme, hein, ou de difficulté de respirer et qu'elle nécessite l'utilisation d'une pompe, hein, eh bien, si elle l'utilise, dans ce cas-là, si elle a besoin de l'utiliser pendant la journée, elle n'a pas à reprendre cette journée-là. Tandis que si la personne a besoin de prendre un médicament, soit des pilules ou un sirop qu'elle doit boire, ou quelque chose comme ça, alors dans ce cas-là, si elle est forcée ou elle est obligée de le prendre pendant le jour du Ramadan et qu'elle le prend ce médicament, eh bien ça va annuler son jeûne, ça va rompre son jeûne. Et elle devra reprendre cette journée qu'elle a manquée après le Ramadan. Et parfois, si vous allez chez le médecin pendant le Ramadan et que vous avez, par exemple, à prendre certains médicaments, c'est bien de mentionner au médecin que vous faites le jeûne du Ramadan, parce que parfois il est possible que le médecin vous prescrive un médicament que vous puissiez prendre uniquement deux fois par jour. Donc comme ça, ou bien même une fois par jour parfois. Et c'est déjà arrivé que une antibiotique par exemple, il y a des antibiotiques qu'il faut prendre trois fois par jour, mais il y en a d'autres antibiotiques qui peuvent être pris uniquement une fois ou deux. Et donc, c'est pour cette raison que c'est bien de le mentionner au médecin pour lui demander si c'est possible de vous prescrire un antibiotique que vous pouvez prendre une seule fois par jour. Comme ça, vous le prenez au moment de l'iftar. Vous n'avez pas besoin de rompre votre jeûne. Huitièmement, la femme qui est enceinte et la femme qui allait, si elle craint pour elle-même ou pour son enfant, son bébé, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles peuvent rompre son jeûne, elles peuvent rompre leur jeûne et elles n'ont pas à reprendre les jours manqués, elles n'ont uniquement qu'à nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elles ont manqué. Et ça, c'est la position la plus correcte parmi les différentes positions des ulama et c'est la position parmi les sahaba d'Abdullah ibn Abbas et d'Abdullah ibn Omar et d'autres également. Il a été rapporté de façon authentique d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit que si la femme qui est enceinte, elle craint pour elle-même, ou la femme qui allait craint pour son enfant, pendant le Ramadan, elle peut rompre son jeûne et nourrir à la place un pauvre pour chaque jour qu'elle a manqué. Elles n'ont pas à reprendre les jours de jeûne qu'elles ont manqué. Et une autre narration d'Abdullah ibn Abbas qui mentionne que il a vu une fois une servante ou une esclave à lui qui était enceinte ou qui allaitait. Alors il lui a dit, tu es de la même catégorie que ceux qui ne peuvent pas supporter le jeûne, alors tu dois nourrir à la place de chaque jour manqué un pauvre et tu n'as pas à reprendre les jours de jeûne. Et il est rapporté également selon Ibn Omar que son épouse lui a posé la question alors qu'elle était enceinte et il lui a répondu en disant, rompe ton jeûne et nourris pour chaque jour manqué un pauvre et tu n'as pas à reprendre les jours manqués. Et donc cette parole d'Abdullah ibn Abbas et d'Abdullah ibn Omar, elle était propagée parmi les sahaba et on ne connaît aucun d'entre les sahaba qui les ont contredits dans cette position. Et donc c'est une preuve et c'est un consensus selon la majorité des ulama. Neuvièmement, il a été rapporté deux façons pour nourrir les pauvres lorsque quelqu'un doit payer une compensation pour le jeûne du Ramadan. La première façon, c'est de donner la nourriture hein, aux pauvres directement, c'est-à-dire de la nourriture qui n'est pas cuite, qui n'est pas préparée. Tu peux leur donner du riz, du grain, des choses comme ça. Ils vont eux-mêmes préparer la nourriture avec, hein, et tu calcules donc la quantité nécessaire et tu la donnes à la personne et elle va yani se nourrir avec. Ou bien, une autre possibilité également, c'est de préparer la nourriture et de la donner aux personnes pauvres déjà cuites, déjà cuisinées. Et qu'est-ce qui est possible également, c'est de réunir un nombre de pauvres d'une seule fois, par exemple, et de les nourrir en même temps. 30 personnes ou 10 personnes, 3 fois, et de les nourrir de cette façon, ça va compléter le nombre de jours que la personne a à payer ou à compenser. Toutefois, ce n'est pas suffisant de donner de l'argent. Il faut vraiment que ce soit de la nourriture, sinon ça ne comptera pas. Et de façon générale, il faut se rappeler que pendant ce mois, il faut faire des efforts pour faire des actes d'adoration et faire le bien, réciter le Coran, donner des sadaqat. Les portes du bien sont nombreuses et il faut en profiter pendant ce mois béni. Également les prières de nuit, les tarawih et les autres adorations, c'est un petit sacrifice. Et il y en a qui disent, oui mais hein, la prière de Isha elle est tard et la prière de Subh c'est très tôt, c'est l'été. Mais il faut se dire que c'est seulement un mois et après, hein, après vous pourrez reprendre le rythme habituel. Donc faites un sacrifice pendant ce mois béni. De même que pendant le mois de Ramadan, il y a des choses qui annulent le jeûne, et donc il faut faire attention à ça, de manger ou de boire. Et si quelqu'un il mange ou il boit pendant la journée par erreur, par accident, sans que ce soit volontaire ou intentionnel, dans ce cas-là, son jeûne il est quand même valide. Il n'a pas besoin de reprendre ce jour-là. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est Allah qui l'a nourri ou qui l'a abreuvé. D'accord ? Toutefois, s'il mange volontairement et intentionnellement avant le coucher de soleil, dans ce cas-là, cette journée-là est annulée. Il doit se repentir et reprendre cette journée. Si la personne a brisé son jeûne en ayant des rapports intimes avec son épouse pendant le Ramadan, eh bien ça, c'est une des plus graves parmi les choses que quelqu'un peut faire pendant le Ramadan. Non seulement il devra se repentir et reprendre le jour manqué, mais en plus, il devra payer une expiation, soit de libérer un esclave, ou de jeûner 2 mois consécutifs, ou de nourrir 60 pauvres pendant le mois de Ramadan, ou bien après, pendant l'année. Donc ça c'est l'expiation à faire pour la personne en question. Si toutefois quelqu'un fait sortir, par exemple, sa shahwa pendant le Ramadan, il se masturbe ou des choses comme ça, ça c'est quelque chose qui annule aussi le jeûne. Donc il faut s'abstenir de tout ça de façon générale et dans le Ramadan encore plus. Si quelqu'un par exemple pendant le Ramadan il a un rêve et qu'il a une éjaculation pendant son sommeil, eh bien dans ce cas-là il n'y a pas de problème, c'est-à-dire son jeûne il est toujours valable. Même si c'était pendant la journée, il peut continuer son jeûne, il a juste à se purifier et son jeûne est correct. De même que la personne qui se fait volontairement vomir, celle-là, son jeûne est annulé. Toutefois, si elle vomit involontairement, ça n'annule pas son jeûne. Mais si elle se force à vomir elle-même, ça annule son jeûne. Et parmi les choses qui n'annulent pas le jeûne, mais qui diminuent la récompense, il y a le fait de faire les péchés de façon générale. Hein? Ça, c'est des choses qui vont diminuer la valeur de ton jeûne. Donc, de regarder des choses haram, d'écouter des choses haram, de faire l'namima ou l'riba, de perdre son temps à écouter des séries ou des films ou des choses de ce genre pendant la nuit du Ramadan, ça c'est des choses qui diminuent la valeur de ton jeûne, la valeur de ta récompense.